Bonjour, francophones. Welcome to French Pod America. Bonjour, chers amis. My name is Amory. This is an elementary lesson. We have two adults going through their old toy chest. And they found some toys. Wow. From the old days. And I can understand that I'm a big kid as well. Yeah, me too. I think I might react exactly the way they do if I found what they found. Let's just listen to the dialogue, but what's something they're going to say in it? Laisse tomber. Laisse tomber. And that means drop it. Just forget it. Yeah, just forget it. Laisse tomber. Can you say it one more time? Laisse tomber. Okay, here's the dialogue three times. Dialogue, première écoute. Hey, c'est comme la dernière scène du premier épisode de La Guerre des Étoiles. Le quatrième épisode, tu veux dire? Mais non! Le premier, celui où tout commence, le meilleur. Mais le meilleur, c'est le cinquième. Tu veux dire le deuxième? Oh, laisse tomber. Dialogue, deuxième écoute. Hey, c'est comme la dernière scène du premier épisode de La Guerre des Étoiles. Le quatrième épisode, tu veux dire? Mais non! Le premier, celui où tout commence, le meilleur. Mais le meilleur, c'est le cinquième. Tu veux dire le deuxième? Oh, laisse tomber. Dialogue, troisième écoute. Hey, c'est comme la dernière scène du premier épisode de La Guerre des Étoiles. Le quatrième épisode, tu veux dire? Mais non! Le premier, celui où tout commence, le meilleur. Mais le meilleur, c'est le cinquième. Tu veux dire le deuxième? Oh, laisse tomber. So let's do the translation. C'est comme la dernière scène du premier épisode de La Guerre des Étoiles. It's like the last scene of the first episode of Star Wars. C'est comme la dernière scène du premier épisode de La Guerre des Étoiles. It's like the last scene of the first episode of Star Wars. C'est comme la dernière scène du premier épisode de La Guerre des Étoiles. Le quatrième épisode, tu veux dire? The fourth episode, you mean? Le quatrième épisode, tu veux dire? The fourth episode, you mean? Le quatrième épisode, tu veux dire? Mais non, le premier, celui où tout commence, le meilleur. But no, the first one, the one where everything starts, the best one. Mais non, le premier, celui où tout commence, le meilleur. No, the first one, the one where everything starts. The best one? Mais non, le premier, celui où tout commence, le meilleur. Mais le meilleur, c'est le cinquième. But the best one is the fifth one. Mais le meilleur, c'est le cinquième. But the best one is the fifth one. Mais le meilleur, c'est le cinquième. Tu veux dire le deuxième. You mean the second one. Tu veux dire le deuxième. You mean the second one. Tu veux dire le deuxième. Laisse tomber. Drop it. Laisse tomber. Just forget it. Laisse tomber. So they must have found some lightsabers in their old toy chest. As we can hear. They used to make sound effects, I think. Yeah, it's true. Mm-hmm. I remember that. And obviously they wanted to reenact one of their favorite scenes. Mm-hmm. Well, what do they say? C'est comme la dernière scène. Yeah, it's like the last scene. Une scène. So to say the last one. La dernière scène. Okay. So c'est comme, it's like, c'est comme la dernière scène of what? Du premier épisode. Okay. Of what? De la guerre des étoiles. The war of the stars. La guerre des étoiles. Mm-hmm. You guys also say those Star Wars, right? How do you say it? Star Wars. That's even funnier than the War of the Stars. Yeah, we use both. Okay, so can you say that whole sentence again now? What is it like, this game they're playing? C'est comme la dernière scène du premier épisode de La Guerre des Étoiles. But, well, Isn't that the fourth one? Le quatrième épisode? In the chronological series, le quatrième. Yeah. How do you say to say? Dire. You want to say. Tu veux dire. And that's what you say in French, you mean. We say, tu veux dire. So le quatrième épisode, tu veux dire. You're obviously talking about the fourth episode, right? Exactly. Oh, mais non. Le premier. Le premier. So we've got the same word as in the first sentence. Premier is the adjective for first, but if you say le premier, it means the first one. Exactly, you don't have to add the word one or anything. Just say le premier. Mm-hmm. Just with the article in front. So A New Hope is le premier in La Guerre des Étoiles series. Le quatrième, tu veux dire? Laisse tomber. Mais non, le premier. And then he gives a little bit more detail. celui où tout commence. Celui is the one. You know, the one where celui où tout commence. Everything commence. It all starts. Celui où tout commence. And supposedly, this one is the best. Le meilleur. Mm-hmm. Celui où tout commence. Le premier. Right. Or, according to this person, le quatrième épisode. Mais non, le premier. Mais non, le quatrième. Laisse tomber. Okay, well, now there's a new controversy because he thinks that one was the best of them all. But the other guy is like, no. The first one, le premier, or le quatrième, whichever, is not le meilleur. For him, what? Le meilleur, c'est le cinquième. Le cinquième. Un, deux, trois, quatre, cinq. And here we have le cinquième épisode. Right, which is for him, le meilleur. Right, and it's the same thing. We could say le premier means the first one. Le meilleur, the best one. We don't have to have the word one. We just put the article. Mm-hmm. Okay. So now we have some confusion, just like we had confusion between le premier and le quatrième. Now we have confusion between le cinquième and... Le deuxième, because he says, tu veux dire le deuxième? And now even I'm getting confused. So he's like, listen, just... Laisse tomber. Laisse tomber. Literally means to let fall. Drop it. Laisse tomber. Mm-hmm. So it's a very useful expression when you want to end a conversation. Say, come on. Laisse tomber. Yeah, let's just move on from this conversation. Yeah. Okay, so now we're going to listen to the dialogue for le deuxième time. Le quatrième, tu veux dire? Mais non, le deuxième. But we already listened to it three times before, so that would make this le quatrième time. Yeah, but it's going to be another three times now. Okay, yeah, so... We've already listened to it three times, so this is going to be le deuxième time that we're going to listen to it three times. So that would mean, tu veux dire, that's the quatrième time, because we already listened to it three times, so this will be the quatrième time. Laisse tomber. Okay. So let's just listen to the dialogue. For le quatrième fois. Chut. Dialogue, première écoute. Hey, c'est comme la dernière scène du premier épisode de La Guerre des Étoiles. Le quatrième épisode, tu veux dire? Mais non! Le premier, celui où tout commence, le meilleur. Mais le meilleur, c'est le cinquième. Tu veux dire le deuxième? Oh, laisse tomber. Dialogue, deuxième écoute. Hey, c'est comme la dernière scène du premier épisode de La Guerre des Étoiles. Le quatrième épisode, tu veux dire? Mais non! Le premier, celui où tout commence, le meilleur. Mais le meilleur, c'est le cinquième. Tu veux dire le deuxième? Oh, laisse tomber. Dialogue, troisième écoute. Hey, c'est comme la dernière scène du premier épisode de La Guerre des Étoiles. Le quatrième épisode, tu veux dire? Mais non! Le premier, celui où tout commence, le meilleur. Mais le meilleur, c'est le cinquième. Tu veux dire le deuxième? Oh, laisse tomber. So, La Guerre des Étoiles, for you, Omri. It's huge. Which one for you is le meilleur épisode? Okay, Miss Erica, I know you're a huge fan, so I don't know, but for me, le meilleur is le premier. Tu veux dire le quatrième? Mais non, le premier, celui où tout commence. Tout commence in le premier, which is the very first one, which just came out fourth. It was le quatrième episode to come out. Celui où tout commence is actually in le premier. Not le quatrième. Okay, so you're talking chronologically there. Right, okay. Chronologically. All right, just laisse tomber. So you like the new hope. Le premier to come out in the movie theaters. Yeah, le premier to come out. Et you think it's le meilleur. Like the oldest one for me. Okay. Okay, et pour toi, which one for you is le meilleur? Le cinquième, Empire Strikes Back. So, donc tu veux dire l'Empire contre-attaque. Yeah, l'Empire contre-attaque, le cinquième. On est d'accord, le cinquième. Ok, le cinquième épisode, le deuxième to come out. Oui. In the movie theaters. C'est ça. Ok. Wow. At least we've got that under control. Well, if you have any questions, you can come to frenchpod.com and ask us. The least you can do is tell us which one is le meilleur for you. Yeah, if you watch La Guerre des Étoiles, which one do you think is le meilleur? À bientôt. Au revoir.